Bonjour mes chers amis, et nous allons maintenant commencer à étudier le texte de l'Épître aux Galates. Et ce matin, nous allons faire seulement les deux premiers versets. Notre bon Père du ciel, ce matin, nous allons regarder pourquoi est-ce que Paul avait l'autorité de reprendre les chrétiens de la Galatie? Pourquoi il pouvait condamner les faux docteurs qui les troublaient? Qu'est-ce qui lui donnait tant d'autorité? Qu'est-ce qui lui permettait de penser que ce que lui croyait, c'était vrai? Que les autres, c'était faux. Nous allons voir ça ensemble ce matin et on aimerait que tu nous diriges par ton Esprit Saint, encore une fois, cet Esprit Saint que tu as donné à chacun de tes enfants pour nous guider dans toute la vérité. Amen. Nous avons vu hier que l'apôtre Paul, après avoir entendu dire que les églises de la Galatie, donc c'était plusieurs églises locales, étaient troublées. Il avait peut-être même été séduit par des faux docteurs pour aller vers un autre évangile. Et il risquait gros, mais je dirais même il risquait tout, même la perdition, s'il quittait l'évangile que Paul leur avait donné. Et on a vu ensemble que on doit faire attention de ne pas prendre cette épître-là avec un autre but. Le but de pousser les chrétiens à l'activité, plutôt de stimuler les croyants à toujours évaluer l'évangile qu'ils ont reçu. Je crois personnellement que c'est le grand combat de chaque croyant. Le grand combat du croyant, ce n'est pas de combattre le péché dans sa vie. C'est de garder l'évangile. Parce que beaucoup de saints hommes et de saintes femmes qui vont aller en enfer, parce qu'ils n'ont pas gardé l'évangile transmis, dans notre cas ici, par Paul, qu'il avait reçu, comme on voit ce matin, de Jésus lui-même. Donc nous allons commencez par lire notre texte, le chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc, on a vu hier que c'était Paul. Paul, le persécuteur, Paul le colérique, Paul celui qui faisait mourir les chrétiens, qui les forçait à blasphémer. Paul qui avait rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, dans une vision de Dieu, une vision de Christ. Ce Paul qui était un juif, qui était très zélé, et qui va devenir par la suite très zélé pour l'Évangile. Paul, comme on va voir dans les semaines qui viennent, Paul qui avait reçu le mandat d'établir les églises parmi les non-juifs, parmi les païens. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Donc, ce Paul ici va nous dire d'où est-ce qu'il détient son droit, son autorité. Il dit Paul, apôtre. Donc, Paul était un envoyé, un messager. Et comme vous le savez, comme moi, un messager vient avec l'autorité de celui qui l'a envoyé. Si le Canada envoie des ambassadeurs dans différents pays, ils ont l'autorité du Canada. Ils parlent au nom du Canada. Ceux qui rejettent ce qu'ils disent, ceux qui le maltraiteraient peut-être, ou même le tueraient, ils s'attaqueraient au Canada. qui a l'autorité de celui qui l'a envoyé. L'apôtre Paul, il dit qu'il est un envoyé. Il dit, je suis un envoyé et je suis pas quelqu'un qui est envoyé par des hommes. Peu importe les hommes qui vous ont envoyé, moi, je n'ai pas été envoyé par un homme, ni par un homme. Donc, ni de la part, parce qu'il dit non de la part des hommes, ni par un homme. C'est pas des hommes qui auraient mandaté des hommes pour m'envoyer. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé. Parce que les faux docteurs se disaient envoyés par l'Église de Jérusalem, par les apôtres. Donc, c'était, ils avaient été envoyés par des hommes. Donc, Paul il dit, moi, j'ai pas été envoyé par des hommes, ni par un homme. Je suis un envoyé, au verset 1, il dit, mais par Jésus-Christ. J'ai été envoyé par Jésus-Christ lui-même. Donc, mon autorité est plus grande que des hommes qui viendraient à vous envoyés par d'autres hommes. Moi, j'ai été envoyé par Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, le Messie, notre Maître. J'ai été envoyé par lui directement. Et c'était très important que les Galatiens comprennent l'autorité de Paul. Rejeter Paul, c'était de rejeter Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il était tellement important quand ils ont voulu choisir le 12e apôtre pour remplacer Judas. Ils ont dit, il faut que celui qui va remplacer Judas connaisse Jésus de partir du baptême de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection et son enlèvement, son ascension. Donc il dit, il faut qu'il l'ait vu. Et quand ils ont emmené deux, ils ont dit, Seigneur, choisis-toi lequel tu veux envoyer, lequel que tu veux comme apôtre. Nous, on en aurait deux. Mais on aimerait que ce soit toi qui le choisisse pour pouvoir l'envoyer. Parce que un coup que ça a été fait et que Dieu a choisi Matthias, Matthias avait autant d'autorité que les 11 autres. Il n'y a jamais rien dans la Bible qui nous dirait que Matthias avait moins d'autorité que les 11 autres apôtres parce que Jésus ne l'a pas envoyé en chair pendant qu'il était là sur la terre. Il ne l'a pas choisi pendant qu'il était sur la terre, donc il y a moins d'autorité. Non! Il y avait autant d'autorité que les 11 parce qu'il avait été choisi par Dieu lui-même dans Acte 2. Ici, l'apôtre Paul n'a pas moins d'autorité que les apôtres. Ça va devenir important, ça allait dans les chapitres 1 et 2. Il dit, j'ai pas moins d'autorité. J'ai été envoyé aussi par Jésus-Christ lui-même, pareil comme les autres apôtres. Et c'est pour ça que Jésus lui a apparu à quelques reprises à l'apôtre Paul et va l'envoyer lui-même parmi les nations pour annoncer l'évangile que lui, on voit plus bas, que lui-même va lui avoir enseigné. Donc, Paul n'a pas seulement été envoyé, mais il a été instruit par Jésus lui-même, comme les 12. On va le voir plus bas, ça. Donc, il dit, j'ai été envoyé par Jésus-Christ lui-même, notre maître. Il dit, ensuite, il dit, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc, j'ai pas été envoyé seulement par Jésus-Christ, mais j'ai été envoyé aussi par Dieu le Père. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que c'est Dieu le Père qui l'a ressuscité Jésus-Christ, il l'a établi ainsi comme étant le Messie, le Roi, son Fils. Donc, il dit, Jésus, lui, a reçu l'autorité du Père. Vous vous souvenez quand il dit dans Matthieu, à la fin de l'évangile, il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, par le Père. Donc le Père, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, lui a donné toute l'autorité, toute la crédibilité, la sienne, celle de Dieu. Il dit, et j'ai été envoyé par Jésus. Donc, Paul, Jésus, Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit à plusieurs reprises, ceux qui vous rejettent me rejettent moi qui vous ai envoyé, mais ils rejettent aussi celui qui m'a envoyé, celui qui m'a donné l'autorité. Vous vous souvenez qu'on a posé la question à Jean et à Jésus. Qui t'a donné de l'autorité? De quelle autorité est-ce que tu nous parles? De quelle autorité tu fais le ménage dans le temple? Son autorité était de Dieu direct. Donc Paul, il dit, moi, je suis Paul envoyé, non pas par des hommes. Peu importe les hommes qui auraient pu envoyer, j'ai une autorité plus haute, parce que j'ai été envoyé par Jésus, qui avait été envoyé par Dieu lui-même. Et Dieu a prouvé que c'est lui qui l'avait envoyé en le ressuscitant d'entre les morts. Et il va rajouter au verset 2, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Donc, il amène là-dedans tous les frères. Donc, il dit, « Je suis pas le seul qui... à me donner la place d'apôtre, qui me donne la place, l'autorité que je dis avoir, même les frères qui sont avec moi appuient cette autorité-là, voient que j'ai cette autorité-là, savent que j'ai cette autorité-là. Donc, Paul est accrédité ici, non pas seulement par la parole qu'il dit, mais par l'approbation de tous les frères qui sont avec lui et qu'il appuie la lettre qu'il va écrire aux Galatiens. L'autorité, mes frères et sœurs, l'autorité. Qui a autorité pour me dire quoi croire? Qui a l'autorité de me dire que ça, ça vient de Dieu et que ça vient pas de Dieu? Paul n'est plus là. Jésus n'est plus là. Jésus n'apparaît plus à des gens. Oh, souvent on entend dire par des gens, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit. Personnellement, je ne prends pas ça comme étant avec la même impact, du moins. Je crois pas personnellement que Jésus parle encore aujourd'hui. Que Jésus fait des révélations comme il a fait avec Paul. L'apôtre Paul et les douze ont une position particulière, unique. Les douze apôtres et Paul ont une position unique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus. Et c'est Jésus qui les a envoyés. Et c'est pour ça qu'ils vont être dit dans les autres lettres et le fondement des apôtres. Et l'Apocalypse nous parle de la nouvelle Jérusalem, ou de l'épouse de Christ, qui a les douze fondements, qui sont les douze apôtres. L'Église a été fondée sur l'enseignement des douze apôtres, qui l'avaient reçu de Jésus lui-même, qui l'avaient reçu de Dieu. Jésus dit à plusieurs reprises, les paroles que je vous ai dites, je les ai reçues de Dieu. Donc, l'autorité, pour nous, aujourd'hui, c'est les écrits du Nouveau Testament. Ce n'est pas les hommes qui enseignent le Nouveau Testament qui ont l'autorité. C'est la Bible qui a l'autorité. La Bible a l'autorité sur ces hommes qui nous enseignent aussi. C'est pas l'Église qui a l'autorité. L'Église catholique croit avoir l'autorité sur la Bible. Non, non, non, non, non, non. C'est la Bible qui a l'autorité sur toute personne qui se dit de Christ, sur l'Église de Christ. Si c'est pas Christ qui a l'autorité par les Écritures maintenant, par la Bible, vous n'êtes pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ, peu importe le nom que vous avez. Ceux qui vous enseignent, vous devez faire sûr qu'ils vous enseignent les Écritures, qui vous enseigne bien l'évangile qui vient de la parole de Dieu. Une évangile complète, entière, qui n'a pas été falsifiée ou changée, ou amoindrie ou augmentée. Il faut que vous soyez sûr que les gens qui vous enseignent à partir de la Bible. Parce que ils n'ont pas d'autre autorité que celle de la Bible. Chaque enseignant vous dit, voici ce que Dieu dit dans les Écritures. C'est ça qu'il te dit. Lui, il n'a pas d'autorité, c'est les Écritures. Si vous, ça vient des Écritures et que vous le rejetez, vous rejetez Dieu lui-même. Donc, faut bien faire attention de bien évaluer d'où viennent les enseignements que j'ai reçus. Et quand, si vous lisez la Bible par vous-même, de vérifier, est-ce qu'il a bien dit, est-ce qu'il a bien été cherché ça dans la Bible? C'est important. Il faut toujours présupposer, mes frères et sœurs, que l'être humain n'est pas infaillible, il est faillible. Tout être humain, tout enseignant, tout le monde est faillible. Donc, vous devez, parce que la personne qui vous enseigne est faillible, est pécheur, vous devez toujours prier, demander à Dieu, dirige-nous, garde-nous dans la vérité, garde nos enseignants, on te prie pour nos enseignants, que tu les protèges de la folie, du péché, de la fausse doctrine. Et toujours vérifier qu'est-ce qu'on vous enseigne et vient bien des Écritures. C'est important. Votre salut en dépend. Parce que si vos enseignants ne vous enseignent pas l'Évangile d'une façon authentique, complète, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Vous ne pourrez pas vous justifier. Vous ne pourrez pas vous justifier en disant, on ne savait pas, c'est nos enseignants qui ont dit ça. Vous ne pourrez pas dire ça devant Dieu. Oui, on se fie à nos enseignants. Mais vous devez toujours penser, ils sont vulnérables, ils sont pécheurs. Donc, je vais m'engager moi aussi, je vais prier, je vais comparer deux enseignants, trois enseignants, je vais comparer, je vais lire les Écritures peut-être, pour aller voir dedans qu'est-ce qui est écrit. Je vais certainement prier pour eux. Je vais investir de mes argent pour les libérer afin qu'ils puissent prendre le temps d'étudier. On ne veut pas les accabler par l'administration. Mais on va leur dire, consacre-toi à l'étude de la parole afin de nous prêcher l'évangile qui vient de Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, merci que ce que nous croyons, ça vient de toi. C'est toi, comme on va voir, qui a révélé à Paul les Écritures, l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu. Sans cette révélation, Paul ne serait qu'un humain qui s'adresse à d'autres humains. Mais la révélation et l'inspiration font de Paul quelqu'un d'unique avec les douze. Donc Seigneur, donne-nous de toujours, toujours prendre le temps de bien vérifier que notre autorité, ce sont les Écritures. Au nom de Jésus. Amen.